Cette semaine, des conseils pour la photo de concert, 10 choses que les photographes disent et 5 raisons d'imprimer vos photos. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 70. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de mes collaborateurs habituels, Christian Jarry. Salut Stéphane. Et François Blanchette. Salut. Qu'avez-vous fait, messieurs, côté photo récemment? En fait, depuis le dernier épisode? Moi, je suis allé faire de la pêche sur glace. Oh! Quelques amis, on s'est loué une grosse cabane et puis on s'est amusé à quelques fois pêcher le poisson et boire de la boisson. C'est ça que je veux dire. Oui. Ah, pêcher bon. La boisson et boire le poisson à la fin. Exactement. Avoir du bon temps. Ça s'est ramassé de même. C'est ça. Alors, j'avais amené ma GoPro. Je me suis amusé à faire quelques petits clichés. Puis j'en ai pris une de l'endroit où on était. Fait que c'était mon projet photo des derniers jours. C'est-à-dire amener ma GoPro, la plonger sous la glace pour voir si je pouvais pas avoir des images. Mm-hmm. Finalement, c'était plus intéressant de voir l'action dans la cabane. D'accord. Ah oui, je vois la photo. Parfait, on va la mettre dans les notes. Toi, Christian? Ah, faut que je parle? Ben oui. Non, ben malheureusement, ces temps-ci, j'ai pas particulièrement le temps. Là, disons que le maximum que j'ai fait, c'est prendre des photos de la fête à mon gars. Là. Ça a vraiment été mineur. Là. J'ai pas de show. C'est décevant. J'ai mis pas de photos de spectacle depuis longtemps. Ben oui, mais c'était des spectacles que je pouvais pas en prendre. Ah. Fait que c'est ça, les deux derniers, c'était le genre de place où c'est pas discret quand t'en prends. Là. Fait que il y a des places que je me garde une petite gêne, disons. Ouais. Mais moi, c'était pas vraiment un spectacle. En fait, j'en parlerai la prochaine fois, mais j'ai enfin pu apporter mon 70-200 mm dans un... Mm-hmm. Oui. Je vous en parle la prochaine fois. En attendant, je suis allé à l'auberge Saint-Gabriel il n'y a pas si longtemps et j'étais en compagnie des amis Pascal Forget et Benoît Chamontin, que je salue. Mmh. Et c'était pour... Tout le temps rendu avec eux autres, j'ai remarqué. Je les vois souvent. Ben écoute, on était au CES ensemble. Ouais, je sais. Écoute. C'est donc, on est comme les doigts de la main. Et là, on allait à l'auberge Saint-Gabriel dans le Vieux-Montréal pour un événement qu'IBM présentait. En fait, c'est Watson qui avait concocté des recettes de poutine. Donc, j'ai goûté à 5 sortes de poutine inventées. Ben, en fait, Watson a proposé les ingrédients et il y a un chef qui a fait les recettes. Il y avait 5 recettes pour Toronto et 5 recettes pour Montréal. C'était en fonction des principaux groupes ethniques de chaque ville et toutes sortes de trucs. Okay, c'était quand même intéressant. C'était 5 recettes de poutine pour Québec, puis 5 recettes d'autres choses pour Toronto? Ouais, c'était de la poutine, mais avec d'autres ingrédients. OK. Mais, c'était juste de la poutine, non? Okay. Ouais. Puis moi, je suis tellement amateur de poutine que dans le temps normal, je n'en mange pas, mais là, j'ai dit, je vais y goûter, parce qu'il y en avait avec des frites de plantain, il y en avait avec du fromage, différentes sortes de fromage, il y avait vraiment toutes sortes de trucs. C'était intéressant. Il appelait ça de la cuisine cognitive. Donc, il va même y avoir un livre de publié sur Amazon, je crois que c'est au mois d'avril, qui va proposer un paquet de recettes. Des recettes de robots. Par Watson. OK. Ouais. Donc, c'était intéressant. Ben, j'ai fait... As-tu pris une photo de Watson? Non, en fait... Non, mais je comprends pas. Mais il était là par le cloud sur un petit portable, un petit laptop, là, mais okay. il était pas là en personne. C'est comme décevant. Ouais, je sais. Ah, c'est cher Watson. Qu'avais-tu? Sherlock était bien loin ou pas? Non. Et si Watson avait été Lucy Liu, là, j'aurais pris des photos, mais c'est une autre histoire. Enfin, on va passer au bloc nouvelles. Christian, toi, tu nous présentes un objectif. Oui, genre d'objectif que j'aimerais bien mettre la main dessus, disons, un 50 mm. Bon, ouais. Jusqu'à date, c'est pas nécessairement rien d'exceptionnel, mais il l'appelle le Hyper Prime. Okay. C'est un objectif f0.95. Ah, donc moins que f1. Exact, c'est assez impressionnant. C'est un objectif pour le moment qui est pour la monture X, ce qui est à dire pour Fuji. Oui. Quand on disait qu'il y a de plus en plus d'objectifs là, pour ce type d'appareil, là, c'est vraiment rendu impressionnant. Mm-hmm. C'est SLR Magic, que je ne savais même pas qu'il faisait des objectifs. C'est une nouvelle pour moi. dans le fond, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ça. Il en parle un petit peu là, dans l'article, là, comme quoi bon, c'est un objectif qui est quand même assez solide, qui est tout en métal. Évidemment, ben, vous pouvez vous en douter qu'à 0,95, la luminosité qui rentre est très, très, très impressionnante. Mm-hmm. Et la minceur de champ, pour ne pas dire la profondeur de champ, oui. doit être aussi impressionnante. Ça doit être assez impressionnant, en effet. J'ai pas vraiment grand-chose de plus à faire, parce que malheureusement, ben, à moins qu'on trouve quelqu'un qui nous l'envoie pour la tester, tu sais, ça pourrait être agréable, là, mais... Je pourrais tenter la chose, mais... C'est parce que ça prendrait l'appareil photo aussi, c'est ça le problème. Oui, ben ça, à la limite, on peut essayer de faire concorder ça. Mm-hmm. Mais non, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a certains fabricants qui refusent de prêter des objectifs. Ouais. J'ai croisé quelqu'un de chez Bauer, quelqu'un de haut placé, au CES, et puis il a dit non, on prête pas d'objectifs. Bauer? Oui. Ben, François, il y en a oui, un objectif. Oui, j'en ai un, Bauer, qui est aussi Rockinon, qui est aussi... Okay, ouais. Je sais pas pourquoi, mais ils ont trois noms au moins différents. Mm-hmm, c'est okay. Un fabricant européen. Je ne me rappelle plus si c'est pas en Pologne. Okay. Ou je me rappelle plus il est où le fabricant, ouais, mais bon. Ouais. Rockinon, puis Bauer, c'est la même chose. Oh. C'est dommage. Ouais. Ouais. Mais oui, j'ai vraiment essayé tout ça, mais non, apparemment qu'ils font pas de prêt d'équipement. Parce qu'eux, ils sont dans la moyenne gamme. Là. En termes d'objectifs, c'est par exemple, moi j'ai un 8 mm pour mon capteur APS-C, ma 7D. Donc, ça donne l'équivalent d'une très wide angle. Un fisheye ou à peu près. Presque un fisheye, pas tout à fait. Okay. La qualité de l'objectif, elle est limite là, correcte. J'ai entendu des bons, des mauvais commentaires. Non, mais... Il paraît que la durée de vie de ça est pas très longue en général. C'est Rémi Saint-Onge qui en avait un qui a tellement utilisé qu'il a cassé après peu de temps. Ah oui, bon. Le mien, j'ai utilisé quelques fois. Ça m'arrive de l'utiliser en télé aussi, en télévision. Mm-hmm. Il fait le travail. Mais il ne faut pas trop y en demander dans les coins. C'est la perte de... Ah, il ne travaille pas fort dans les coins? Non, il ne travaille pas fort dans les coins. Ce serait pas très bon avec le Canadien. Non. Alors, c'est dommage, ça, Stéphane, que qu'on ne puisse pas avoir d'objectif de cette compagnie-là parce qu'il travaille très fort à essayer justement de percer le marché avec d'autres compagnies. J'ai vu des nouvelles comme quoi que Rockinon justement avait des nouveaux objectifs un petit peu plus haut de gamme. Pas encore c'est comme la série L ou rien de ça, mais Il y a la série Ciné qui appelle. Okay. Ça, c'est une série qui a une ouverture sans clic. Donc, pour faire de la télé, du cinéma, on peut changer l'ouverture en douceur, manuellement, sans passer par l'appareil. Mm. Ça, c'est bien en vidéo parce qu'on veut que les transitions se fassent doucement. Quand on travaille avec des objectifs photo, on passe de l'intérieur à l'extérieur. Je vous dis pas comment c'est compliqué. Mm-hmm. Ouais, tu vois. Il faut faire un changement de plan. Il faut qu'on fasse une coupure. Sinon, en vidéo, ce que ça fait des petits coups. Tu sais, à chaque changement de diaphragme, fait que c'est pas beau. Ben, tu vois, l'objectif que je parlais, justement, toi, tu l'aimerais, parce que dans ces points négatifs, c'est exactement ce que les autres ils disent, ou ce qu'il n'a pas le clic, qui pour un photographe peut-être tannant, mais pour toi, c'est génial. Justement, tu peux changer l'ouverture, tu sais, on the fly, là, comme on dit, ça, là, rapidement. En douceur. Ouais. Ah, ben. Parfait. Et toi, François, tu nous parles de photos. Ah oui, moi, photos puissantes. Super belle nouvelle que j'ai lue cette semaine. C'est l'agence Reuters qui a publié 30 très puissantes photos de leurs 30 dernières années. Moi, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose de pervers un peu là-dedans, mais tu sais, les photos dans les conflits armés, tout ça. Il y a toujours quelque chose de super humain à aller chercher là-dedans, puis ça vient nous chercher. Il y a des choses. C'est tellement loin de nous, mais. Les photos racontent une histoire là, à chaque fois. T'sais. Fait que là, ces 30 photos-là sont très belles. Il y en a d'autres qui sont hyper connues, qu'on a vues, qui ne sont pas dans ces 30 photos-là. Mm-hmm. Mais chaque photo va vous rappeler des événements que vous avez déjà entendu parler ou tout simplement un moment, comme la photo qu'on voit ici, c'est un soldat qui reçoit une balle, mais Il passe à 2 pouces de la mort, la balle, il éclate juste au-dessus de la tête, il est dans une tranchée, là, puis il s'est penché la tête juste à temps. C'est incroyable, ouais. On voit les fragments de roches ou de trucs qui sont encore dans les airs. Là. Il doit y avoir un déclencheur au son ou quelque chose comme ça. Ben, ou... ça, où c'est clair que la personne prenait beaucoup d'images à la seconde ouais. à ce moment-là. Elle a pris une rafale. Oui. Mais moi, ça me fait dire jeu que... Jeu de mots douteux. C'est une magnifique photo aussi parce que oui. le photographe, il est là. Là. Oui. Il est dans l'action, il est à côté d'un tireur de l'armée qui se fait tirer dessus. Une grenade arrive, il saute avec le gars. Ouais, il y a du courage. Ah non, c'est magnifique. Donc, c'est ça. 30 photos qui racontent une vraie belle histoire, souvent dans les conflits armés ou dans des épisodes de désespoir humain. C'est vraiment magnifique. Non, je suis un peu d'accord avec toi. Ça fait bizarre de vouloir voir ces photos-là. En même temps, c'est comme important aussi de se le rappeler que c'est pas parfait partout. Là. C'est important de savoir ce qui se passe. Ouais. Il y a des gens qui s'évertuent à te cacher ce qui se passe dans leur pays, alors qu'il y a des photographes qui disent « Non, nous, on veut montrer ce qui se passe, justement pour essayer d'arranger des choses. Mm-hmm. » C'est bon. Voilà, c'était ma découverte cette semaine que j'ai trouvé ça super. Et ton petit point éditorial aussi en même temps? oui, exactement. Bon, moi de mon côté, il y a Pentax qui va lancer un appareil plein capteur qui va être compatible avec la série K, les objectifs qui ont le K-mount qui appelle, et qui va être aussi compatible avec les objectifs DA, donc en utilisant un facteur de rognage, une fonction de rognage, un peu comme sur le Sony A7, A7R et compagnie. Et ils vont lancer aussi deux objectifs, dont un 70-200 mm f2.8, ainsi qu'un 150 à 450 mm f4.5 à 5.6 comme ouverture maximale. Pour ces deux objectifs-là, on parle d'un prix d'environ 2300-2500 américains. Ce sont des canons. Oui. Des gros objectifs. Affaires. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant. Et d'ailleurs... il est possible, je vais me croiser les doigts, mais que j'ai le 645Z en test. Donc, qui est un medium format. Là. Ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, je vais... Roche, papier, ciseaux. Ouais. Hein? On va tirer ça au hasard, moi, je pense. Ouais. Parce que les trois, on voudrait pas mettre les mains dessus. Écoute, moi, je vais vous le laisser. De toute façon, j'en reçois quelques-uns. Là. D'ailleurs, dans les prochains tests, on va avoir le Nikon D750 qui s'en vient aussi. Donc, des gros appareils intéressants. Écoute, hey, c'est bien, ça faisait longtemps. Christian, je fais un deal avec toi. Tu peux prendre un Nikon. Ah. Je vais y aller, moi, avec le medium frame. Ben, je vais me sacrifier. Le pire, c'est que je sais pas si tu te rappelles, mais c'était quoi? C'est la D600 qu'on avait eue, que j'avais beaucoup aimé, honnêtement. Ouais. Bon, l'ergonomie m'avait fait sacrer, mais les photos que j'avais prises avec étaient superbes. Je les avais adorées. Mm-hmm. C'est juste que j'avais de la misère avec l'ergonomie. Mais ça, c'est une question d'habitude. Là. Je sais que je serais capable de m'habituer avec le temps. Là. Mais ça me dérange pas tant que ça. Bon, regarde-moi. Juste le fait d'avoir un nouvel appareil dans les mains, un nouveau jouet avec lequel jouer. Bon. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Excellent. Donc, on va avoir des trucs intéressants dans les prochaines semaines, prochains mois, disons. Christian, de ton côté, tu as des conseils à nous donner, toi qui n'es pas allé dans un concert ou un spectacle depuis très longtemps. Je te taquine. Non, mais des conseils pour de la photo de concert, semble-t-il. C'est un photographe professionnel qui donne justement quelques conseils, comment prendre des photos dans les concerts. Je ne sais pas pourquoi ça m'a attiré comme article, je comprends pas. Étais-tu d'accord avec ces conseils? Ben oui, mais comme j'ai déjà dit, le problème que j'ai majeur, moi versus lui, c'est que lui peut amener sa DSLR dans un concert, pas moi. Mm-hmm. Ça donnerait pas le même résultat si je pouvais le faire, tu sais, c'est clair. Ouais, quand même. Tu te débrouilles bien avec ton Sony. Oui, honnêtement, je suis très content de ce que je suis capable de faire, mais c'est juste que j'ai été choyé dans quelques-uns des derniers concerts où je suis allé, où j'étais relativement assez près de la scène. Donc, j'ai pu faire des photos quand même très bonnes. Ouais. Mais c'est il n'y a pas longtemps, j'en ai vu un autre où j'étais un peu plus éloigné. Ben, j'étais avec un certain Stéphane. Oui. J'ai pris quelques photos, mais les résultats, je les aime pas. J'en ai même pas vraiment gardé. Pense ça que j'en ai pas donné rien de bien écœurant. Ah, ben moi, c'était avec mon téléphone de toute façon. Ouais, toi, c'était avec ton téléphone. J'en ai une seule de. Potable, ben, en partant, il n'y avait pas beaucoup de luminosité, fait que ça aidait pas bien gros. Puis deux, c'est ça. Les résultats, c'était pas super. Il aurait fallu être plus proche. Je pense que ça aurait donné quelque chose d'intéressant, mais là, trop loin. Mais bref. Pour donner... donc, ça ferait partie de tes conseils de ne pas être trop loin. Ouais, hein, ben, oui, entre autres. Oui. Conseil numéro 1. Non, ça faisait pas partie des conseils, mais oui, définitivement, en même temps. Arriver plus tôt. Oui. Puis c'est clair, de toute façon, que ce que tu dis est vrai, parce que si je donne la majorité des places où ce que je vais voir des concerts, ils ont une galerie de presse en avant. Il y a toujours un espace entre le stage, vous m'excuserez, le... la scène, c'est ça, Moses, je cherchais le nom. Entre la scène et les spectateurs, il y a toujours un petit espace, puis c'est à ce moment-là que les photographes vont, c'est en cet endroit-là, fait que c'est sûr et certain qu'eux autres sont choyés pour ça, justement. Mm-hmm. C'est rare qu'on va voir un photographe sur le balcon en haut avec un gros objectif prendre des photos. Il y en a, parce que moi, c'est pour ce faire que j'ai fait, de plongée, ça peut être intéressant hier aussi. Soir, là. Oui. Ah ben, oui. C'était même pas en plongée. En fait, j'étais tellement loin que finalement, mes photos hein, sortent presque à hauteur des yeux là, avec l'angle. Ben, en fait, j'étais un petit peu plus haut, mais c'est ça. J'en reparlerai plus en détail, mais j'ai mis mon 70-200 sur le Sony A6000. Okay. Et donc, ça me donnait l'équivalent d'un 320 mm. Ben oui. Et là, même à ça, j'ai rogné la plupart des photos pour vraiment bien, bien encadrer les personnes que je photographiais. Là, mais... C'est enfin, ça l'avantage d'un beaucoup de mégapixels aussi, on peut... Oui, ben c'est ça, Sony A6000 est à 24 mégapixels, ben oui. Donc c'est quand même intéressant. Mm-hmm. Son conseil à lui, c'est, idéalement, c'est d'être capable de prendre des photos propres à au moins 1600 ISO. Mm. Fait que par conséquent, ben là, comme lui, il disait, lui est rendu avec un D... 810. Mm-hmm. Là, il y a eu D3S, D700, il les a tout passé. Là. On parle évidemment, ben, puis c'est là qu'on joue, c'est plein capteur. Parce que ça, la luminosité, la lumière, c'est nécessaire. Puis par rapport à un des derniers shows qu'on avait fait, où on avait parlé aussi que quand un capteur rogné, ben, ton objectif, s'il est à 2.8, il n'est pas à 2.8 avec exact. Un capteur rogné. On avait démystifié ça. On avait démystifié ça, exactement ça. Puis lui, c'est ça, lui utilise sa 24-70 f2.8 et une 70-200 f2.8. Mm. Puis de temps en temps, avec un fisheye à 16 mm, dépendant des spectacles. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, un plein capteur comme ta petite Sony peut devenir intéressant. C'est sûr que ça m'intéresse parce que c'est quand même relativement assez compact. Ouais, ben les objectifs sont quand même pas... Ils sont pas si compacts que ça, je sais, mais tu sais, c'est quand même moins pire que ma DSLR. Oh oui. Lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est ça. Le gros problème qu'on a dans des salles de spectacle, c'est la luminosité. Puis c'est la luminosité changeante. Mm-hmm. Parce que t'as les spots, t'as la lumière, t'as... même juste de la première partie à la deuxième partie au... principale, la luminosité va changer complètement que c'est vraiment plus la même chose. L'intensité change selon le type de musique qui joue. Quand c'est de la musique qui joue fort, let's go, la lumière voilà, dans le tête. Aussi, quand c'est une petite zone tranquille, là. On baisse l'intensité de la lumière pour créer une petite ambiance feutrée. C'est vrai. Fait que oui, il faut tout le temps changer ses settings. Exactement. Fait que c'est ça. Puis là, ben lui, c'est ça. Ce qui est dur, c'est vraiment d'être capable d'avoir une vitesse qui est quand même respectable pour pouvoir capturer le moment. Fait que là, c'est là qu'il faut, des fois, qu'on va être obligé de monter un petit peu son ISO à 3200. Fait qu'encore une fois, ben, ça veut dire qu'on a besoin d'un appareil relativement assez performant. C'est sûr que j'ai vu des exceptions. Là. Je me rappelle, quand j'étais allé à Toronto, la fille qui prenait les photos, la photographe professionnelle, ben, je sais pas pourquoi, je regarde toujours leurs appareils. Ouais, hein? Je comprends pas. Ça m'a même surpris, elle avait une 7D avec une 24-70. Mais j'ai vu les photos parce que je suis allé signifier pour le fun par après. Puis les photos sont très belles, sont très propres. Fait que c'est correct. Mm. Si tu sais comment mettre tes choses, c'est sûr et certain que tu peux en sortir des affaires. T'as que tu as le logiciel pour enlever le bruit en plus. Ouais. Ben, j'en ai enlevé du bruit dans mes photos d'hier là, dans Lightroom. Moi, je le fais souvent, moi, mais parce que mon petit appareil, il y a quand surtout quand je tombe à ISO 3200, il y en a quand même pas mal de bruit, mais. En le réduisant, tu sais, c'est surtout des souvenirs plus qu'autre chose, fait que ça me dérange pas, c'est pas professionnel. Ouais. Là. Non, mais de toute façon, nous, on regarde nos photos aussi à l'écran, on voit la photo zoomée, là, on va voir le bruit, on se dit « Ah, je vais enlever un peu de bruit », parce que, mais à l'œil, on le verrait probablement pas. Ou là, comme je vais les publier sur mon blog, on verra pas le bruit dans une photo de 600-700 pixels de large. Là, c'est... Exact. autre chose, puis ça, c'est un excellent conseil parce que même moi, j'avoue que j'ai commencé à le faire de plus en plus, c'est de prendre sa balance des blancs manuelle. Mm-hmm. Parce que ce qui se passe, c'est, vous allez le voir rapidement, il y a certains groupes vont préférer certains éclairages. Ouais. Celui que j'ai le plus, c'est le rouge. Le rouge, c'est mortel, c'est dur de prendre des photos avec un éclairage rouge. Ça se fait, là, mais... Ouais, justement, François hoche la tête. Non, mais tu peux. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est parce que c'est monochrome. Il n'y a pas d'information. C'est juste rouge. C'est ça, exactement. C'est la même chose dans le bleu. Le bleu, c'est ça. Bleu et rouge, là, c'est enfer. C'est l'enfer. Oh, il n'y a rien à faire avec ça. Non, puis il n'y a aucune valeur de blanc qui va t'aider. Mais en jouant un peu quand même, tu sais, tu peux des fois améliorer. Je te dirais pas que c'est parfait. Je donne un exemple. Là, rouge dans les degrés Kelvin, là, c'est dans le tapis. Là. On parle de. C'est très, très, très bas sur l'échelle de degrés Kelvin. Fait que là, tu vas au minimum que tu peux aller. En manuel avec avec ta caméra. T'sais. Si c'est dans le bleu, c'est l'inverse. Si tu veux couper du bleu, ben tu descends tes degrés Kelvin et tu ne montes pas. T'sais. En tout cas, c'est pas facile, mais... Mais pour faire ta balance de blanc manuellement, oui. Il faut que tu aies... Il faut que tu aies un carton blanc sur la scène. Non, moi, ce que je fais, c'est que je prends des photos, je fais du trial and error. Fait qu'on prend quelques photos, t'essayes, tu regardes, tu vois, excellent. Joues avec, au moins, tu sais, tu dis, bon, c'est pas parfait, mais au moins... Moi, je donnerais un petit conseil. Si tu te sens à l'aise, tu vas voir le gars à l'éclairage, qui se retrouve généralement en plein milieu de la scène, de la salle, ouais. Avec la le console, gars de son. Là, ouais. Ils sont ensemble, d'habitude, il y a deux consoles, OK? Puis à force d'étudier sur quoi ils pitonnent, tu vas comprendre qu'il y en a un que c'est la lumière, puis l'autre, mm-hmm. C'est le son. Puis tu lui demandes, tu dis, écoute, c'est quoi la température de couleur si tu as un follow spot dessus? Si tu as quelqu'un qui est là juste pour éclairer le chanteur, par exemple, tu vas déjà avoir une idée, il va te dire, bon, mais c'est 4500K. Tu vas déjà avoir une idée que son follow spot, quand il est allumé, tu es à 4500K. Ah, c'est intéressant. Bon truc, soit. Ben, si tu sais, si avant le show, les gars, ils se préparent, des fois, ils arrivent juste avant que le show commence. Ouais, ici, ils sont en break, puis ils arrivent. Si tu as l'occasion de leur parler, tu peux leur demander ça tourne autour de combien le show ce soit en degré Kelvin. Fait que déjà là, tu as un petit peu de moins de tests à faire. Mais c'est moi je le fais professionnellement. Ça. Quand j'arrive avec une caméra et j'ai un spectacle à filmer, première chose que je fais, après me connecter dans la console pour avoir le son, ben je demande au gars de la lumière, t'éclaires à combien? Ouais. C'est ma question. Mais c'est normal aussi, dans ton cas, c'est comme relativement assez important. Mais lui, il sait pas qu'est-ce que tu fais là. Peut-être qu'il pense que... Il sait pas. Tu peux... t'es un professionnel comme lui, il va te donner la réponse. Il y a absolument rien à te cacher. De toute façon, ça change rien vraiment non plus à sa vie. Non, de donner les réponses. Absolument c'est pas... Non, il va juste dire, ah, OK, lui, il sait qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Ou il appelle la sécurité, un des deux. Oui, c'est ça. C'est ça. Hey, lui, il y a une caméra. Là. Oui, c'est ça. autre chose que j'ai vu, ben, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est... On a plusieurs modes pour notre focus, notre autofocus sur la caméra. Lui, ce qu'il utilise, c'est single point. Je ne sais pas, en français, c'est... Ben, c'est unique, je présume. C'est un point focus. Là. Moi, c'est ça que j'utilise. Ouais. C'est moi aussi, c'est toujours le point presque central, puis après ça, je recompose. Là. C'est ça. C'est ça. Lui, c'est ça qu'il dit de faire. Ouais. Ouais. Moi, c'est ce que je préfère aussi. Moi, par contre, j'ai l'avantage que je peux l'avoir en croix sur mon appareil, ce que je vais faire aussi parce que ça te permet, si vraiment le focus est un petit peu plus à droite ou à gauche, quand il bouge un peu, il va être capable de le refaire, de le replacer. Là. Mais sinon, moi, je prends toujours un seul point. Je trouve que c'est plus facile. Puis comme tu dis, ben c'est ça. Tu utilises ton AF on le bouton pour le locker, tu le déplaces. Tu sais, c'est beaucoup mieux comme ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est comme un petit peu une idée. Tu sais, c'est soyez stratégique. Regardez où est-ce que vous pouvez vous placer pour avoir les meilleures photos, idéalement. Tu sais. Si vous savez, regardez, ça c'est un truc qui n'est pas dans l'article, mais ça c'est moi qui vous le dis. Quand on va voir un spectacle, il y a souvent une première partie. Essayez de voir où est-ce que les micros sont, les choses, de voir où est-ce que le kit de drum est. Ça va vous donner une idée aussi où est-ce que probablement le chanteur risque d'être. Mm-hmm. Parce que ça peut être assez important, tu sais, si tu te mets à droite de la scène, mais c'est le chanteur que tu veux prendre, puis il est toujours à gauche. Et voilà, tu vas être un petit peu, tu vas te faire avoir. Ouais. Dans ce temps-là, essaie de penser d'aller plus au milieu, parce que si tu n'es pas capable de trouver aucun repère qui te permet de l'évaluer, ce qui est souvent un peu le cas, parce que ça va être mis après. Tu sais, d'avoir une vision d'ensemble de qu'est-ce qu'on voit, où est-ce que vous êtes, c'est sûr et certain que c'est jamais une mauvaise chose. Mm-hmm. Puis, ben, c'est un peu ça. Ce n'est pas des gros trucs là, incroyables. Là. L'article, si vous voulez le lire au complet, il y en a évidemment t'sais, beaucoup de choses là, qui peuvent vous le donner. C'est intéressant. Moi, je vous le conseille. Excellent. Mm. Bon, ben merci. Merci, ben. Ouais. Ben intéressant. François, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu nous présentes? Il y a 10 choses que les photographes disent, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire quand ils disent des rumeurs? Bon, on s'en doute. La photographie, ben, elle a son lot de termes bien à elle. Hein. Lumière d'appoint, stop, HDR. Quand on est débutant, ben, on peut s'y perdre rapidement. Mais grâce aux internets, ça prend pas trop de temps pour comprendre c'est quoi la profondeur de champ, puis l'ouverture d'un objectif. Mm-hmm. Si t'es curieux, c'est un bel âge pour être... Grâce au podcast comme objectif. Entre autres, aussi. Oui. Mais quand il y a un photographe qui dit qu'il est autodidacte, tu sais, il te parle, puis il dit « Moi, je suis un autodidacte. » Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment, là? Moi, vous aider à vous retrouver, moi, là-dedans. Parfait. On a hâte. Il a appris sur le tas. Quand il y a un photographe qui vous dit « Moi, je travaille avec la lumière naturelle. » En réalité, là, ce qu'il vous dit, c'est « Je suis pas capable d'exposer au flash. Je suis vraiment pas capable. » Ouais. Quand il y a un photographe qui vous dit « J'aime ça le look que tu as donné à tes photos », ce qu'il veut dire vraiment, là, c'est « J'aimerais ça copier ce que tu as fait. Dis-moi comment faire. » C'est quoi ta recette? C'est bon. Quand un photographe vous dit « Je commence à utiliser mon iPhone de plus en plus », qu'est-ce qu'il veut dire, vous pensez? Il dit « Je commence à regretter d'avoir mis autant d'argent sur mes objectifs que j'ai plus envie de trimballer anyway. » Ouais. Quand un photographe vous dit « J'ai commencé à faire sérieusement de la photo il y a 3 ans. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est j'ai acheté mon premier DSLR il y a trois ans. Oui. Moi, c'est ce que j'avais fait. Oui, moi aussi. Ça fait faire 6 ans, par contre. Hey. Quand un photographe vous dit « Quel ISO utilises-tu? » Ce qu'il veut dire, là, c'est « Je comprends rien à cette maudite caméra super chère. Les menus, les molettes pourraient aussi bien être en latin. » Oui, ben honnêtement, si tu demandes à quelqu'un à quel ISO tu utilises pour ta photo, là, il y a d'autres paramètres plus importants que ça. Un peu. Là, il dit « T'as vraiment l'air d'un vrai photographe. J'aimerais faire exactement la même photo que tu prends en ce moment. » Quand un photographe vous dit « Je me spécialise dans les paysages, les voyages et les portraits. » Ce qu'il veut dire, là, c'est « Je photographie n'importe quoi. » Ouais, oui, quand même. Quand un photographe vous dit « Je limite au minimum les retouches en post-production. » Ce qui veut dire... J'ai pas d'ordi. J'haïs Lightroom. Oh, c'est bon, ça. T'es sur une piste, Steph. Oui. Ce qui veut dire, c'est je comprends rien à Photoshop. C'est ça. Je sais comment faire glisser des contrôles de gauche à droite puis de droite à gauche, mais j'ai aucune idée de ce que je fais. Numéro 8. Quand un photographe vous dit « Ce que j'essaie d'exprimer dans ma photographie, c'est le sentiment que j'ai eu au moment de presser sur le déclencheur. » Oh my God. Ce qui veut dire, là, c'est je vois des choses, puis je prends des photos. Tu sais que c'est mon préféré jusqu'à date. Ça, je vois des choses, puis je prends des photos. Ouais. Quand un photographe vous dit « Je pense à m'équiper avec des objectifs fixes. » Ce qu'il veut dire vraiment, là, c'est « Les vrais photographes utilisent des fixes, hein? Je veux définitivement être comme eux autres. » Je pensais que tu allais dire « Je veux me mettre à faire un peu d'exercice. » Faire le zoom avec mes pieds. Ah. Oh boy. Ouais. Et la dernière phrase que vous risquez d'entendre quand un photographe vous dit, en fait, quand un photographe dit à une modèle, tu peux t'asseoir pour rester debout, vas-y comme t'es confortable. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, c'est, écoute chérie, j'ai aucune idée comment te placer pour la photo. Voilà. Oui, voilà. Et vous avez le droit de mal interpréter cette phrase. Ah oui. Eh bien, merci François. Ça fait plaisir. Ils en disent des choses, des photographes quand ah même. Oui. Hein? Ah oui, ils en disent bien d'autres affaires encore. Oui, en effet. Moi, j'ai testé quelques imprimantes avant les fêtes, puis je vais en tester une autre dans les prochaines semaines. Alors, je vais vous donner 5 raisons d'imprimer vos photos. Oui, pourquoi oui. Pourquoi imprimer les photos? Ça fait longtemps qu'on fait plus ça. Oui, mais peut-être que tu devrais recommencer à le faire. C'est pour ça que je vais t'écouter. Donner 5 raisons. C'est bien parce que justement, j'ai des photos de mes enfants qui datent de 5 ans qu'il faudrait peut-être que je me décide à faire changer dans mon passage. Voilà. Alors, la première raison pourquoi on imprime des photos, ben, c'est pour les montrer à ceux qui vont pas nécessairement sur Internet. Il y en a encore. Oui. À date, je te parle aux grand-mères, là. Oui, aux grand-mères. D'ailleurs, les nôtres, là. Oui. Moi, je fais des diaporamas sur ma télé, là, mais on peut aussi les imprimer. Les grand-mères aiment beaucoup les photos imprimées. Mm-hmm. La deuxième raison pour revivre un voyage ou un événement, donc si tu as pris des photos de voyage, tu les imprimes, là, ben, ça te force à les trier ou les remontrer aux gens, puis là, ben, tu revis ton voyage. Ah oui, OK, comme mettons ma blonde qui adore faire des scrapbooks. Oui. Voilà. Il y a une raison derrière ça, c'est pas parce qu'elle aime l'odeur de la colle, là. C'est... ah, on sait pas. Hein? Peut-être. Tout s'explique, là. Allô, Julie. La troisième raison, ben, pour faire de la déco un peu chez vous. Donc, Ah, comme Christian vient de dire, là. C'est la ça. Petite famille dans le corridor. Ben oui. Ou dans... Non, mais c'est drôle parce que j'en avais plein dans mon salon, un mur avec plein de cadres de photos que j'avais imprimées, de qualité vraiment médiocre, les photos, parce que... Mais c'est pas grave, je veux dire, il y a personne qui était collé dessus et qui voyait pas, mais là, je me disais, j'ai plein de cadres, je suis capable de faire de la photo. Je devrais peut-être mettre mes propres photos dedans, ça serait beaucoup mieux. Ouais, voilà. Moi, ça a pris du temps aussi, mais dans ma chambre à coucher, là, maintenant, j'ai quelques photos, des photos de voyage, des enfants plus jeunes, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais voulu en installer partout dans la maison, là, dans le salon, dans le corridor, justement, dans l'escalier ou peu importe. Là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça, puis ça fait beau aussi à l'occasion, mais moi, j'ai jamais ressenti le besoin de mettre des photos partout. Là, mais... ben moi, c'est parce que les anciens propriétaires avaient mis... Vraiment comme deux, dans le passage, c'est deux, je sais pas comment t'appellerais ça, mais c'est des choses pour lesquelles on accote des photos, il y en a deux. Fait que si je les arrache, il faut tout que je refasse le mur. OK. Fait que j'aime autant mettre des photos dessus. Ouais. Bon, ouais. Disons que, vu de même, là. Pas très manuel, hein? Non! c'est pas une question de manuel, c'est une question d'avoir 3 enfants. Ah, OK. Puis un passage... endommagé pendant plusieurs jours, c'est vraiment gossant. Ah, OK. La quatrième raison, pourquoi imprimer vos photos? Ben oui. Ben, ça coûte pas cher. Ah. C'est vrai que ça coûte rien, honnêtement. Ça coûte rien. Si on compare à avant, là, où on... Attends, je lève ma main dans les airs ici. Là, mon doigt, je pointe le ciel. Oui. C'est cher, des maudites cartouches d'imprimante, là. Non, mais tu les fais imprimer. Chez Pharmaprix, chez Costco. Costco, ça coûte vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Oui. Puis c'est fait en dedans d'une heure, une heure et demie, tes photos sont prêtes la plupart du temps. Donc, au pays le lendemain. C'est juste qu'il faut que tu affrontes la foule et le stationnement du Costco, mais ça, c'est une autre histoire. Oh mon Dieu, oui. Et la cinquième raison, parce que ça fait un beau cadeau. Les grands-mères encore. Ah oui. Non, mais que ça soit un frère, une sœur à qui tu donnes une photo. Vrai, il y a bonne fête des mères qui s'en vient dans pas long. Aussi. Hein. Une carte de fête personnalisée. Voilà. Ah. Que de bonnes idées. Eh oui. Ah voilà. Stéphane, tu nous illumines. Ah. J'essaie. La lumière de ta grandeur n'importe d'âme. N'importe quoi. Mm-hmm. Ah, tu bon. Glos. Ah, la petite musique des anges. Bon, passons maintenant aux suggestions de la semaine. François, toi, t'as quoi de ton côté? Moi, c'est spécial. C'est l'harmonie. Quand François il dit c'est spécial, c'est que ça doit vraiment être spécial. Ben, mettons que c'est spécial. L'harmonie entre une caméra vidéo et un moniteur. Ou un trip de LSD gratuit. Ça vous intéresse-tu? Ah oui! Je me souviens d'avoir vu cette vidéo-là, moi. C'est l'histoire d'un gars qui s'ennuyait tellement, là. Il a pointé sa caméra vers la télé qui est connectée sur la caméra. Qu'est-ce que ça fait, vous pensez? Avez-vous une idée? Du feedback visuel. Exactement! Ça fait du feedback vidéo. C'est la même chose que du feedback audio, c'est-à-dire... En plus agréable. Ben, en plus LSD. OK. c'est quand tu sais quand t'approches ton micro d'un speaker, qu'est-ce qui arrive? L'écho, puis tout ça embarque, puis ça c'est feedback, puis toute la patente. Ça, c'est désagréable. Par exemple. Le même effet peut se faire en vidéo. Tu pointes ta caméra vidéo vers le moniteur qui t'affiche l'image que la caméra prend. Là, c'est comme l'effet des miroirs infinis là, quand t'as un miroir devant un miroir. Là. Ouais, fait que là, t'as un beau trip de LSD gratuit. C'est vraiment spécial. Ce que ça donne, là, c'est une infinité d'images qui sont affichées, ça spin, ça tourne, ça... Mais attends, pourquoi ça spin? Ah non, mais là, je peux pas Non, dire mais pourquoi. C'est quand tu fais pivoter ta caméra, appareil. Oui, si tu fais pivoter là, ta caméra, il y a un délai qui s'affiche. Puis tu filmes le délai, donc c'est à l'infini. Ouais. Tu filmes un délai, fait que là, ça se répète. Fait que ça fait une loupe. Puis là, il y a des couleurs qui peuvent embarquer là-dedans à cause du type de capteur, à cause du type de moniteur. En tout cas, c'est des sensations garanties, je vous le jure. Là. Ça reste que c'est un effet vieux comme le monde, en fait, depuis le monde de la télé. Parce que quand la télé est inventée, ben, il y a sûrement quelqu'un qui s'amusait à faire ça un moment donné, des années 50, fin des années 60... 40. Fin des années 40, au début 50. Ouais, mais les LSD, c'était dans les années 60. Oui, quand ils se sont tannés... On est vraiment en train de parler de quand LSD. Quand ils se sont tannés de filmer l'écran, ils ont inventé le LSD. Ah. Ça coûtait moins cher sur le coup. Mais... Fait que pour voir l'effet, ben, allez voir le petit lien sur notre page. Je tiens à vous dire, c'est vraiment important, qu'on n'est pas responsable des conséquences que ça va avoir sur votre cerveau. Et si vous êtes épileptique, n'allez pas le voir ou prenez vos médicaments avant. Ouais. Ouais, c'est pas si pire. Là, si non, non, c'est pas si mal. Il y a des trucs pires. Surtout sur Internet. Et si tu pensais présenter quelque chose de spécial, eh bien, je te suggère d'aller voir le tutoriel Photoshop le plus fou. OK. Avec Glove and Boots. Tu sais, les deux marionnettes qui ont fait la vidéo sur le syndrome du vidéo vertical. Oui, alors, il y a une nouvelle vidéo. Ils reviennent, oui, après toutes ces années, et nous présentent le tutoriel Photoshop le plus fou au monde. Et pour l'avoir regardé, c'est effectivement n'importe quoi. OK. Ben, en fait, j'ai appris un truc en le regardant, pour vrai. Bon, moi. Mais... C'est vraiment... C'est rigolo. C'est en anglais, évidemment, mais... Y a-t-il une photo de Bob Ross là-dedans, en plus? Oui, mais il la remplace par Randy Macho Man Savage. Ah! Ooh, yeah! I'm gonna kill you! Paix à son âme, parce qu'il est décédé. Oui. Mais quand même, oui, ils font l'exercice de remplacer la photo dans le cadre du décor. Et, en tout cas, c'est vraiment à voir. Ah! Oui, oui. Donc, vous irez voir ça. Parfait. Et... J'ai bien ri. Toi, Christian, de ton côté... Ben moi, ça va être une suggestion plate versus les deux vôtres, là. Ben, on va passer, là, ce moment. Okay, non, c'est pas vrai. Non, ben moi, je cherchais quelque chose de beau, là, tu sais, mais ça a l'air que, bon... T'as pas reçu le mémo. Non, j'ai pas reçu le mémo, là, tu sais. Non, j'ai trouvé un vidéo qui, c'est du Flow Motion. OK. On connaît le Slow Motion, mais dans ce cas-là, c'est du Flow Motion, ce qui est-à-dire que... Bon, regarde, on va s'entendre, là, il y a du Photoshop à l'os là-dedans, là, c'est clair. Mm-hmm. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant ou c'est pas beau. Mais la personne se promène à Dubaï, okay. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il est, mettons, comme il est dans l'avion, puis il prend des clichés à intervalles réguliers. Ouais. Mais là, on le voit, il prend l'avion, il sort de l'avion, il se promène dans l'aéroport, mais comme un stop motion? Oui. Ouais, c'est ça, plus un stop motion. Mais tout le vidéo est comme ça, mais reste quand même que, comme je disais, c'est sûr qu'il y a du Photoshop dans certaines scènes, là. Il y a des scènes que ça a été monté à l'ordinateur ou des choses comme ça, mais c'est vraiment bien fait parce que la personne qui a fait ça a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Oui, là. Oui. C'est assez impressionnant. Puis il y en aurait un autre aussi, à ce que j'ai vu, de la même personne. Pays, sais-tu? Ah, Rob Woodworth. Tu vois, je viens de voir sur ton écran, c'est qui ce gars-là? Il a fait Barcelone, oui, Shanghai. J'en ai parlé de Barcelona. Puis de c'est vrai. De ce gars-là, il est extraordinaire. Il est quelque chose. Là, son dernier, c'est Dubaï. Ouais. C'est très beau. Honnêtement, en fait, ça Dubaï, donne quasiment le goût d'y aller. Dubaï, il a monté. Si cher. Il monte d'une coche parce que. Il utilise les mêmes techniques qu'il a utilisées dans d'autres de ses vidéos. Il les a raffinées et il a ajouté un petit scénario, si on peut dire. Il y a comme une histoire. Tu suis quelqu'un. Tu avais déjà touché un peu à Barcelona. Tu suivais quelqu'un pas longtemps. Là, c'est encore la même chose. Tu suis des gens, puis il y a vraiment des twists là, là-dedans. Tu fais comme, OK, la personne embarque sur un bateau, traverse le fleuve, embarque dans un avion privé, décolle, puis il suit ça. C'est de toute beauté. Stéphane, ouais, si tu l'as pas vu... Oui, oui, j'en ai regardé un petit bout pendant que Christian le présentait, puis c'est vraiment intéressant. Il y a du travail là-dedans, c'est incroyable. C'est des heures et des heures. Là. Je sais pas combien d'heures qu'il y a là-dedans, mais c'est clair qu'il y en a énormément. Ouais. Ça, c'est une star du web. Là. Un gars comme ça, il doit se trouver des contrats, j'imagine, de temps en temps, pour des documentaires ou des trucs comme ça. Ouais, faire des ouvertures d'émissions télé. Parce que c'est vraiment du travail très recherché qui est dispendieux, qui prend beaucoup à cause que ça prend beaucoup de temps à réaliser. Fait que si tu le fais sur ton temps personnel, fine. Si tu es engagé pour le faire, bonjour l'argent, ça va rentrer. Bon, monsieur, c'est drôle, tu sais, tu disais que c'était celui de Dubaï qui est le plus... tu sais, comme une coche là au-dessus, mais je pense qu'on est moyen, probablement, les gens de Dubaï, si ça leur tentait de faire vidéo promotionnelle. Ouais, hein? Même nous autres, ça me donne le goût d'aller à Dubaï. Bon. Pas les moyens, mais ça donne quasiment le goût pareil. Ouais, ouais, c'est magnifique là, comme endroit. On le voit, là. C'est de la façon que c'est shooté, que c'est montré. Magnifique. C'est féerique. Ouais, ouais. Mm. Bon, ben merci pour les suggestions. Moi, je vais terminer sur une note triste. Vous avez vu, messieurs... ben, en fait, c'est quand je suis allé à l'auberge Saint-Gabriel, dont je parlais au début de l'épisode, j'ai égratigné mon écran. Sony AC. Oui. Ah non. Oui, c'est scandaleux. Et c'est une égratignure non, pas très longue, mais large. Oui, c'est ça. C'est vraiment... comme 3 mm de large. Oui, c'est probablement la fermeture éclair de mon sac ou un truc du genre qui a frotté dessus. De ton sac photo. Mon sac photo, oui. Mon sac, oui. Il Undefined, dont j'avais vanté les mérites. Ben c'est pas sa faute. C'est moi qui avais mis trop de trucs dans mon sac. Ouais. Dont de la sauce concoctée par Watson, mais qui m'a été donnée. Enfin, tout ça pour dire que j'ai appelé Sony et que si je voulais remplacer l'écran, eh bien, ça me coûtait 450 beaux dollars. Alors, je vais vivre avec les égratignures, malheureusement. Ouais, ouais. C'est une bonne décision. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ou acheter le A7 Mark II. Non, c'est pas vrai. Non, mais attends, on est... Nouvelle on est en 2015, année. Hein, oui, c'est oui, vrai. T'as le droit. Ouais, ouais, j'ai pas pris de résolution cette année. Non, puis t'as le droit. Même si t'avais une résolution, t'aurais le droit, là. Ouais, c'est vrai, j'aurais une bonne excuse. T'aurais le droit. Mais ça fait-tu un an? C'était-tu un an après l'achat ou en 2014 que t'étais pas supposé? Peu importe, parce que je l'ai acheté en décembre 2013. Ah. Dans les deux cas. Ah, tu vois. J'ai aucune restriction. Ben, non, écoute, non. Mais non, ce qui bon magasinage. Oui, c'est ça. Je vais en parler au prochain épisode, mais... il y a un objectif macro qui s'en vient pour Sony. Mm. C'est lui qui est dans ma mire. Ouais, tu ris, mais moi, j'y pense là, cette année. Ouais. Ça commence à me démanger. À Sony? Non, à changer mon appareil. Ouais. Fuji? Olympus? Je sais pas. 7D Mark II? Non. J'ai vu des critiques, je suis très intéressé. Mm-hmm. Très, très, très intéressé. Ouais, le saut vaudrait vraiment la peine. Oui, au début, je pensais pas que c'était le cas, mais après avoir vu quelques critiques, quelques blogs, tout ça, je pense que oui. OK. Bon. Je pense que le saut en vaut la peine. À suivre. À suivre. Ça va dépendre de ce que le comptable me dit. Ouais, c'est vrai, hein? les impôts s'en viennent. Mm-hmm. Si j'ai besoin de me créer des dépenses pour l'année. Ah ben, on sait jamais. Voilà, t'sais. Tu connais maintenant mon secret. Exact. Ben, merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. Merci. Merci, chers auditeurs. Pour nous rejoindre comme à l'habitude, vous pouvez nous écrire à podcast@objectifnumérique.com, que ce soit pour des commentaires, des questions ou des suggestions. D'ailleurs, au prochain épisode, nous répondons à vos questions. Alors, profitez-en. Envoyez-nous vos questions le plus rapidement possible. Et... vous pouvez vous joindre à notre communauté sur Google+, photographe amateur au pluriel, dont les rangs ne cessent de gonfler jour après jour, c'est incroyable. Et sinon, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Twitter au numérique, et sur Facebook et Google+, Objectif numérique. D'ici le prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!